Déception. Un tourbillon. Sourd, d'or, ignore tes torts. Serre, freine, enterre ta peine. S'écroule, souffle strident, tourne des boules, c'est l'ouragan. Une déception. Violent t'a fait souffrir. Va-t-il grandir cet ouragan? Une déception, un tourbillon. Combien de naufrages, 3 ans d'enfer maintenant. Plus de traîtrise, souffle apaisant, revient la brise, c'est comme avant. Le monde s'écroule, souffle strident. Tourner des boules, c'est l'ouragan. Un vent violent t'a fait souffrir. Suis un sourire. Sors triomphant de l'ouragan.